La rédaction des six chapitres suivants n'étant pas achevée à la mort de Jules Vallès en 1885, c'est Séverine, sa compagne et secrétaire, qui s'en chargea pour la publication de l'Insurgé en 1886. Je vous donne donc uniquement le résumé des événements qui se déroulent durant la Commune de Paris, d'après la rédaction de Séverine. À la Commune de Paris, Jacques est un des trois élus de Grenelle. Dimanche 21 mai, alors qu'il préside une séance pour juger un chef militaire qui ne fut pas à la hauteur de sa tâche, la séance est interrompue, car les Versaillais, nom donné aux députés qui, fuyant la Commune, s'étaient installés à Versailles avec Thiers. Les Versaillais, donc, sont entrés dans Paris et Jacques sort amoindri des réactions entraînées par cette entrée des Versaillais. À peine sorti d'un club de lecture, où il était allé réfléchir, Jacques est sommé de redresser la situation et il essaie en vain d'éviter la destruction du Panthéon, de même qu'il aurait voulu empêcher différentes exécutions, sauf celle de l'archevêque de Paris, Monseigneur Darbois. Le dimanche 28 mai, Jacques, déguisé en médecin, traverse difficilement Paris en transportant une charrette de victimes et arrive dans un hôtel qu'il a connu jadis.